Les enfants tombent des toits comme des oiseaux. Ils n'ont plus d'endroit pour jouer, ils jouent là-haut. L'été est suffocant, faudrait que l'on pleure. Ça laverait l'air qu'on a, l'air qu'on prend, ces places qu'on vénère. Je me laisserai plus happer par les tours que ça me joue. La divine comédie s'invente un garde-fou. Jamais j'aimais depuis toujours. Jamais, au grand jamais de l'amour. N'aimerais-je plus tournoyer comme un vautour? Ne me laisse plus tourner court. Je ne suis pas triste, je ne prends pas la fuite. Je ne suis pas triste, je prends seulement la fuite. Je ne suis pas triste, j'attends seul.